Osée chapitre 8. Crie comme si tu avais une trompette en ta bouche, il vient comme un aigle contre la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont transgressé mon alliance, et qu'ils ont agi méchamment contre ma loi. Ils crieront à moi, mon Dieu, nous t'avons connu, dira Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont fait régner, mais non pas de ma part, ils ont établi des gouverneurs, et je n'en ai rien su. Ils se sont fait des dieux de leur or et de leur argent, c'est pourquoi ils seront retranchés. Samarie, ton veau t'a chassé loin. Ma colère s'est embrasée contre eux, jusqu'à quand ne pourront-ils point s'adonner à l'innocence? Car il est aussi d'Israël, l'orfèvre l'a fait, et il n'est point Dieu, c'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Parce qu'ils sèment le vent, ils recueilleront le tourbillon, et il n'y aura point de blé debout, le grain ne fera point de farine. Et s'il en fait, les étrangers la dévoreront. Israël est dévoré, il est maintenant entre les nations, comme un vaisseau dont on ne se soucie point. Car ils sont montés vers le roi d'Assyrie, qui est un âne sauvage, se tenant seul à part, Ephraïm a donné des gages à ceux qu'il aimait. Et parce qu'ils ont donné des gages aux nations, je les assemblerai maintenant, on y a même commencé quelque peu, à cause de l'impôt pour le roi des princes. Parce qu'Ephraïm a fait plusieurs autels pour pécher, ils auront des autels pour pécher. Je lui ai écrit les grandes choses de ma loi, mais elles sont estimées comme des lois étrangères. Quant aux sacrifices qui me sont offerts, ils sacrifient de la chair, et la mangent, mais l'Éternel ne les accepte point, et maintenant il se souviendra de leur iniquité, et punira leurs péchés, ils retourneront en Égypte. Israël a mis en oubli celui qu'il a fait, et il a bâti des palais, et Juda a fait plusieurs villes fortes, c'est pourquoi j'enverrai le feu dans les villes de celui-ci, quand il aura dévoré les palais de celui-là.